Et là, je me suis dit, ça y est, je suis fini. Parce que maintenant, réellement, de toi à moi, vivant, c'est-à-dire que l'être vivant comme ça, là, Oui. tu sens les choses qui rentrent. Et donc, comme on était entre 5h du matin, là, et 6h, c'est-à-dire nuit, et puis comme ici en Europe, là, à ce moment-là, même à 6h, il fait nuit. Donc, j'étais là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais c'est arrivé, je ne peux pas bouger du lit. Je pense que je ne pourrais même pas soulever mes jambes. Mais je pense, tout ce que j'ai dit, je ressens. Et donc, je ressens tout de suite ce qui rentre là. Il y avait les gros, il y avait les petits. C'était plein. Et là, tu Plein. ressentais là cette fois-ci physiquement. Physiquement, Voilà. physiquement, comme toi et moi là. Je suis, et donc ça monte. Mais ça, c'est du côté, ça veut dire juste du côté gauche. C'est venu plus du côté gauche de venu plus du côté gauche de mon corps. Oui. Le côté droit avait du mal à monter. Pourquoi? Il y a aussi deux ou trois événements qui étaient passés avant dans ma vie. C'est-à-dire, j'étais allée faire, moi, je faisais un peu la marche, le footing le matin. Enfin, où c'était dans la même semaine là, j'avais eu comme mon pied voulait se casser. En plein, pourtant il n'y a pas de trou, il n'y avait pas, il n'y a pas de lieu que je fasse comme une entorse. Une entorse, oui. Mais oui, mon pied avait comme si j'avais fait une entorse. Et j'ai entendu, et même j'ai dit, ouais, Seigneur, s'il te plaît, il ne faut pas que mon pied se casse, que j'ai un problème maintenant là parce que je suis en train de vouloir de faire mon de travail. Et je mange, j'avais mal, mal, mal. Et donc, du côté gauche, hein, mon pied gauche, je suis rentrée. Et puis là, après, je suis revenue, je me suis dit, normalement, c'était fait pour le truc. Entre-temps, je t'enverrai par WhatsApp deux images, oui. photos de moi. Oui. J'avais eu des problèmes dans l'œil. Préparatif, je me dis, avant cet événement-là, oui. deux, trois semaines ou un mois avant, c'était en été. Oui, parce que c'était l'été. Oui. L'œil gauche. À l'œil gauche. Oui. Là, le pied gauche, oui. c'était déjà fait. C'était le premier avant l'événement. Mais bien avant, au mois de août, juillet, août, puisque ça arrivait à septembre, c'était juillet ou août, mais août. Ici, j'ai eu un problème à l'œil. Si je t'envoie les photos de l'œil, là, tu vas Ma finir. soeur, tu peux te poser une question. Il y a des derniers enseignements qu'on a postés, on a pas dans les causes du divorce. Tu as suivi cela? Un peu, oui, j'ai commencé, mais Est-ce que tu as c'est suivi pas. entièrement lorsque il tente de donner les problèmes des gens qui sont dans le monde entier? Il dit que voici une qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Je suis pas allé jusqu'au bout, je n'ai pas fini. Il va falloir que tu suives, d'accord? Donc, Je vais partir. C'est dans mes attentes. oui, je crois que ton cas également, on a mentionné cela là-bas. Waouh! Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Ah ben, tu Saint-Esprit. sais quoi? Oh non, attends, je sais que je suis Merci en train de réfléchir Saint-Esprit. parce que je sais que je l'ai suivi et il y a un moment donné, je me suis rendu compte, après j'ai dit non, c'est pas moi. Oui, parce que là-bas, l'intérieur, il pensait qu'il y a quelque chose de mal, les choses marchent dans son, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il parlait de son mari, Oui. franc-maçon, ainsi de suite, c'est ça? Ouais. Oui. À un moment, je me suis dit, c'est pas moi. Bienvenue, c'est de toi dont il est Je l'ai question. écouté. C'est de toi dont il est question. Et tu avais bien tu as dit que la personne n'est pas ici. Tu Oui. disais que la personne n'est pas au Cameroun. Oui. Waouh, merci Père. Merci Père. Vous allez devenir un à un, c'est bon là maintenant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Mais voilà, parce que le truc de franc-maçonnerie, là, justement, c'est ça qui m'a aussi, m'avait aussi fait que. Parce que j'avais, tu sais, ces douanes derrière. Oui. Enfin, bon, bref. Ah, mais alors, c'est bien, non? Oui. Donc, c'est moi. Comment? Non, attends, maintenant, tu me dis, donc, c'est moi. Non, ce n'est pas de toi, l'autre question de suivre ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer, ce qu'il est en train de me dire par rapport à cela. Donc, je suis juste étonné. Moi, je suis étonné de cet étonnement-là maintenant. Là. Tu Voilà. sais, au fur et à mesure, quand Ils tu n'ont pas parles, j'essaie fini. d'entrer dans la chose que tu dis pour voir s'il n'y a, y a pas des choses que tu me caches ou bien s'il n'y a pas quelque chose que tu oublies. C'est comme ça que je fais. D'accord? Mais s'il y a quelqu'un de sincère, tu as été toujours sincère. Mais j'aurais souhaité parler Non. d'une de tes copines, d'une de tes copines. Je crois J'ai que pas tu comme. oublié, pas J'ai caché. comme l'impression qu'il a eu son homme a été décédé. J'aurais souhaité parler de cette copine-ci. Ça, c'est une copine que son homme est décédé, mais elle n'est plus, elle a encore une autre personne. Une copine, oui. C'est-à-dire que la personne avec qui elle habitait, ça, parce que c'est pas le mariage, ça c'est pas le mariage. C'est pour ça qu'elle parle de son homme. Son homme est décédé et maintenant elle avait une autre personne.